Ah non, paniquez pas, là. On est là, on est là. Ce qui se passe, en fait, c'est que j'essaie de partir notre tuntem qui fait notre renommée jusqu'au Liban, bien sûr, et voilà. Ça s'enligne pour être assez tranquille aujourd'hui. Je viens de croiser Simon qui arrive à la dernière minute et puis je pense qu'il y a peut-être un invité. Est-ce qu'il est en train d'amener quelqu'un? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai des séquences de Ultimax Force, qui est notre douteux de la soirée pour aujourd'hui, ici à Choc FM. J'ai aussi quelque chose d'intérêt public à parler, c'est-à-dire d'intérêt ou moins. On a-tu un invité, Simon? Ah, bon, ben, on n'a pas d'invité pour ce soir, on a Simon Bilodeau. Simon Bilodeau qui prend le speaker numéro 2, et voilà, bienvenue parmi nous. Tommy, est-ce que ça va bien? Ça va bien, ça va bien. J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. Laquelle tu veux en premier? Je vais avoir la mauvaise. Les Royals de Kansas City jouent en ce moment, alors je vais laisser tomber l'émission, je vais aller écouter le match. Tu vas aller écouter les Royals de Kansas City? C'est ça. Faut surtout pas passer à côté de ça, puis c'est tout à part ça? Ouais. C'est quoi la bonne nouvelle? Il y en a pas! En tout cas, on va aller écouter une tonne de boules noires et puis après ça, peut-être que je vais être seul à studio, on verra bien comment ça va se passer. Ok. J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères. Qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut. Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Hey! Hey! Astaire, ben j'ai les bois de temps, rien que si tu me le penses. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça doit faire au moins les 300 ans. Colline, que t'as changé? Christ de tabarnak, que t'es laid. Vois-tu la vie comme ça? Oh! Mon père étudiait un projet depuis plusieurs années afin d'extraire de l'essence des pommes de terre. Ce qui éviterait la consommation onéreuse du pétrole et faciliterait la circulation de toutes les voitures sur la Lune. Et nous donnerait davantage de place. Monsieur Chase, ce n'est pas de la blague. Vous voulez dire que votre père s'est fait kidnapper à cause des pommes de terre? Pendant ses recherches, mon père a découvert que le produit était dangereux et pouvait également être employé comme drogue qui, une fois administrée dans le corps, supprime le contrôle du cerveau. Supprime le contrôle du cerveau, c'est sûr, n'importe quoi, mais c'est l'habituel ici à 70%. D'ailleurs, juste avant, je vous parle un petit peu du visionnement de ce soir après avoir expérimenté avec Boule Noire et des séquences tirées de Cheech and Chong, Up in Smoke. Voilà, oui, donc, oui, ce soir, c'est Ultimax Force, un film de 1986. J'ai pas beaucoup de fiches techniques, j'irai chercher ça pendant la prochaine chanson, là, pour vous donner des vrais mots. C'est pour ça qu'il est important, parce que l'histoire, c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs, qui, recrutés par l'oncle Sam, s'en vont faire une dernière mission au Vietnam pour aller délivrer des prisonniers de guerre. Jusque-là, c'est un territoire assez connu. Ce qui est beau, c'est que tout le monde est inintéressant. Tout le monde est comme vulgaire, frustré, tanné de parler à qui que ce soit. Il y a pas beaucoup vraiment de personnages en profondeur dans ce film-là. Ultimax Force, des gars qui se déguisent en ninja parce que ça fait plus cool. Il y a une beauté à un moment donné. Ils ont un guide parce que c'est bien la seule chose qu'ils sont pas capables de faire, c'est-à-dire lire une carte ou en tout cas. Ça leur prend un guide dans la jungle, à nos meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et là, le guide, à un moment donné, il dit « Bon, ben restez là. » Je vais aller voir sur le bord de la rivière si notre transport s'en vient. Fait que là, le gars, le guide, il laisse les militaires, puis là, il s'en va vers sur le bord de la rivière. Puis là, il voit que le bateau s'en vient. Fait que là, il retourne vite chercher son monde. Beauté. Ils sont rendus tout habillés en ninja. Fait que là, le gars, il dit, ben voyons, qu'est-ce que vous faites là? Parce que tout le monde aurait dit, ben voyons, qu'est-ce que vous faites là? Et puis là, ben les soldats, ils disent, mais nous sommes des guerriers. Et voilà, ça justifie tout. Et c'est sûr là-dessus qu'on va aller passer ce fond sonore, en fait, de la tune de Kirby de Smash Bros. C'est la version au GameCube. Là, on va aller écouter quelque chose qui s'appelle Ninja contre Force, en fait. Ah non, ça marche pas ici. Ah oui, ça marche. Vous allez voir, c'est de toute beauté. En tout cas, ça parle de Ninja un petit peu. On revient après la tune, ouais. Shed a light. They were ready to fight. Shaka ninja. Oh, honor, ready. Une petite dose de viril, là. C'était le petit avocat qui tire la roulette et l'aviron ensuite. Donc j'ai ici en pleine face Ultimax Force 1986, réalisé par Willy Milan. Là, je vais cliquer dessus pour aller voir ce qu'il a fait d'autre. C'est surtout en coréen. Pumatai Ngidail Sayo. Gawana Ang Balang Papate Saio. Et voilà, Ultimax Force. Il a fait Clash of the Warlords juste avant. Ça doit être assez bon, ce Clash of the Warlords. Et donc, bien sûr, ne pas oublier l'acteur Brad Collins qui remplit le rôle du héros qui ramasse, mais en fait, qui ramasse un... il y a ici The Ninja Commandos Are Off to Vietnam. En tout cas, c'est assez de toute beauté. Là, malheureusement, c'est en anglais, hein, fait que je pourrais pas vous lire la chose sans faire plein d'erreurs de traduction sur le coup. Ce qui est sûr, c'est que Ultimax Force, c'est un bon moins 9. Ça va être ici ce soir. Et puis peut-être qu'en attendant, ben, je vais en faire jouer un petit bout. Ça, quand je dis d'en faire jouer un petit bout, c'est-à-dire que je vais prendre le film original. Je vais le mettre dans notre lecteur ici qu'on a à Choc FM. Et puis, ben, avec ce lecteur-là, on devrait être bon de savourer quelques extraits. Vous avez peut-être, en fait, reconnu la toune de Super Mario Bros. 3 en background. Donc, on va aller surfer un petit peu sur Ultimax Force avant d'aller écouter une autre chanson. Hein. Sûrement qu'on va faire ça. Journée tranquille ici à 70%. On a eu un gros party en fin de semaine. Tout le monde est un petit peu mou. Pas grand chose à parler, hein, parce que là, c'est le mois de juillet. Tout le monde déménage. Puis il se passe des affaires normales, de la vie normale, de l'été normal. Voilà. Ça, c'est Ultimax Force. Ça, c'est pas normal, par contre. Ces Américains, ce qu'ils sont bizarres. Rien à voir avec toi. Hé, hey, toi, face d'or, tes conneries, on en a rien à foutre. On est ici pour bosser. C'est à combien du Mekong? À peu près 50 km à vol d'oiseau. Parfait. On va aller se reposer et on partira au lever du jour. Il faut qu'on dorme un maximum. Dès qu'on sera au Vietnam, on n'aura pas une minute de répit. Bien entendu, mes amis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de le demander. Hé, hey mec, t'as quelque chose à manger? Faites comme chez vous. Tu penses que je vais bouffer ça? Ces Américains. Juste une petite question, Sam. Comment on va traverser le Mekong? Il y a un bateau à notre disposition qui attend. On décolle à 5 heures du matin. Et rappelle-toi que j'ai horreur des retardataires. Sur ce, Chris, bonne nuit. Et voilà, les meilleurs des meilleurs des meilleurs sont lancés pour leur dernière mission d'aller sauver des vétérans du Vietnam prisonniers de guerre illégaux. Arc, on va écouter End of Miles de Frank Black, un album qui est sorti très dernièrement. Lui a eu une hémorragie depuis 2005. Il a fait 4 albums, Frank Black, ancien leader des Pixies. Les Pixies qui sont revenus ensemble. Pour l'instant, c'est End of Miles et Frank Black. On vous revient à 70%. Mountains Si c'est très loin, c'est le coup du match. C'est un peu lent, ça. C'est le birthday et l'égalité dans le match. Pouce de sable. C'est la réplique. J'aurais voulu revoir ce coup. Il semble... Oh, superbe. Un birdie. Touche la cible. La ligne, super. Et là, ici, c'est très loin de l'objectif. Très. Et voilà, inscrit un bogey. Tout y était, mais malheureusement... Serge Lemaigre, c'est son collègue, hein? Invincible. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller écouter une page de publicité. On aime beaucoup ça, la publicité. Tout un joueur de mini-pot. Voilà, donc on écoute une page de publicité avant d'écouter d'autres extraits de Ultimax Force. Cher Hervin, nous savons que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Malheureusement, votre style de vie actif vous empêche souvent de prendre le temps de bien déjeuner. C'est pourquoi, chez Hervé, nous avons conçu un petit déjeuner à votre image, le déjeuner transcontinental. Deux œufs avec bacon, saucisses et lardons, garnis d'une tranche de jambon, avec de la dinde et de la mayonnaise, des cretons au porc et au poulet avec du fromage et des fèves au lard. Un steak 12 onces cuit sur le grill sauce crémeuse, ainsi qu'une généreuse portion de frites. Le tout accompagné d'un verre de lait ou d'une root beer au choix. Le petit déjeuner transcontinental, seulement chez Hervé, parce que vous le valez bien. Oui, je vous emmène. Attends une minute. Tu ne dois quand même pas croire cette pute. Et si c'était un piège? J'ai confiance en un Vietcong que quand il est mort. C'est notre seule chance. Relâchez tous les prisonniers sauf un. Toi, choisis un homme qui connaisse le chemin. Lui, il sait où c'est. Je vous en prie, emmenez-moi avec vous. Non, on n'a pas besoin de femmes. Allez les amis, vous êtes tous libres. Allez, vous pouvez rentrer chez vous, dépêchez-vous. Allez. Hé, mec, c'était pas utile de tirer. Oui, c'était pas nécessaire, Dick. Du calme, Dick. Toi, tu peux t'en aller. Attention. Lui aussi, t'es un ninja. Bien. N'importe quoi, voyons. Donc faites bien attention, lui aussi, c'est un ninja. Parce que s'il y avait eu une pelle ronde puis qu'il avait pas été un ninja, là, ça aurait pas été dangereux. Hein. Rien que quand on est un ninja qu'on est méchant, c'est ça, hein? Ben non, parce que des fois, il y a des ninjas blancs. Les ninjas blancs, ils ont traditionnellement la réputation d'être comme plus gentils. On sait pas pourquoi, on sait pas ça vient d'où. On sait pas de quelle façon, on sait pas quand ça va changer. D'ailleurs, vous, un ninja noir ou un ninja blanc, c'est lequel vous affronteriez? Question difficile, hein? Parce que le blanc, s'il y en a moins, c'est peut-être parce qu'il est meilleur. Mais en même temps, blanc, c'est comme la couleur des gentils. Puis là, le noir, lui, il peut se cacher plus facilement dans le noir. Mais là, en tout cas, c'est compliqué, ça. C'est des questions de même qui me gardent réveillé, moi, la nuit. On va aller écouter... C'est quoi qu'on va écouter? J'ai vraiment pas grand-chose à parler aujourd'hui. Là, on va revenir un petit peu plus fort la semaine prochaine. Tiens, on va aller écouter quelque chose de très douteux. Très, très, très douteux. Un gars qui va nous crier par la tête son amour et sa passion pour la musique. On va écouter Philippe Lalanne et Never Forget. On va revenir avec de quoi d'assez pas mal excellent juste après. Voilà, à 70%. À tantôt. Est-ce que vous vous l'êtes fait assez crier par la tête, là? Est-ce que vous vous l'êtes fait crier assez par la tête qu'il était at peace, puis qu'il oubliera jamais les moments qu'il a partagés? Ça, c'est nous autres qui l'a fait, là. s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir un beau cul, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine tous les soirs en s'endormant que le petit prince des collines lui vienne dans le palais. Jolie et taquine, toujours jolie, de l'espièglerie. Mais moi, Julien, on a des C'est mon nouveau coloc. C'est vrai, en plus. Écoute-moi bien, Gordon. Je sais que tu es le chef du clan des ninjas de la Force Diamant. Ouh. Je sais aussi que tu es hérité des pouvoirs magiques de tes ancêtres, les ninjas Warrior. Les ninjas Warrior. Moi, je suis un descendant des ninjas noirs et j'ai pour intention de reconstruire l'empire de mon clan. Dans peu de temps, je serai le maître de ce pays. Afin de réussir, je vais être obligé de t'éliminer, Gordon. L'assassinat de ta femme n'était qu'un début. Tu vas bientôt aller la rejoindre. Et le pouvoir de ton clan sera anéanti à jamais. Personne ne peut s'opposer à moi impunément, Gordon. Ne l'oublie jamais. Et prépare-toi à mourir. On dirait qu'il n'est pas là pour répondre, hein? En fait, cette séquence-là, ça vient de Ninja Boxing Force, qui est un autre des nombreux films de ninja des années 80 dans lequel Richard Harrison, le moustachu habituel, tient un rôle de superstar. En tout cas, Ninja Boxing Force, un film qui se termine à la fin par un... en fait, le héros gagne, et puis là, il s'en va vers la forêt, vivre d'autres aventures, et puis là, ben, ça devient un frame bleu, il est écrit fin en lettres blanches, et voilà, c'est la fin, il n'y a pas de générique, pas d'acteur, rien. Ça arrive des fois, les films des années 80, surtout la version hongkongaise, parce qu'on dirait que il était tourné en semi-anglais, chinois, je sais pas. Mais après ça, traduit une fois, retraduit sur la traduction, et puis là, ben, on se ramassait avec des espèces de restants assez bizarres, et puis l'information se perd assez vite, fait que là, ils décidaient de juste pas traduire les génériques. Comme ça, c'est moins de troubles pour tout le monde. Assez spécial, mais nous voilà dans le bon vieux temps, hein? Là, on est quoi? On est en train d'écouter Jungle Garden, ça, c'est la toune de Donkey Kong. Donkey Kong qui est, à mon sens, vraiment très mauvais à Smash Bros, ceux qui jouent à ça. Là, moi, je joue avec Yoshi. Hein. C'est Yoshi le top parce qu'il lance des œufs puis il est vert. Je sais pas c'est quoi les liens, là, mais en tout cas, ça va bien aller de même. Là, on est à 70%. Peut-être plus à 65% aujourd'hui. Là. Il manque Simon. Je suis triste, il tentait pas. Ah, il y a Olivier qui s'en vient pour écouter les films très spéciaux juste après, c'est-à-dire Ultimax Force. J'ai amené aussi un épisode de Bioman. Bioman qui, dans les années 80, vivait des aventures avec Dorothée et ses amis les croissants. Pour les Français les plus habitués. Bon, ben tant qu'à parler de rien, on va aller écouter une toune qui fait l'été un petit peu. À moins qu'on ait Miss Lucifer, One Dimension. Ah tiens, on va mettre des Delgados avec All You Need Is Hate. D'habitude, ils disent love, hein, mais ça, c'est les Beatles. Puis là, c'est les Delgados, fait que ça n'a rien à voir avec les Beatles. Voilà, on va revenir à 70%. This was how I broke the past. Indifference, overblown with confidence and ignorance. It all made sense. And then I watched them take the test. I believe it's better to inflict than to attempt relief. You ask me what you need. Hate is all you need. Hate is all around. Find it in your heart and every wave and sound. On your way to school, how I won the worst. Charity, a joke that friendly cities think that we believe. So it seems we dig the most and stab to death. And everyone applauded my fine actions. I was overcome. You ask me what I've seen. Hate is all I've seen. Hate is in the air. Come on, people, feel it like you just don't care. Everlasting hate. Feel it in the people where it's warm and gray. Come on, hate yourself. De copies, pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies, pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies, pis ça, ça énerve. Des tonnes de copies, pis ça, ça énerve. Des tonnes de... Vous en avez assez d'avoir à vous faire une idée par vous-même? Vous en avez assez de devoir filtrer vous-même la quantité incroyable d'informations que le monde moderne vous offre? Faites-nous confiance. On travaille pour que vous n'ayez pas à réfléchir. Ouvrez grand, avalez. Un message de l'Ordre des publicitaires du Québec. Ouais, ouais. S'il y a une chose qui vieillit bien dans le monde dans lequel on vit, c'est bien ce qui a trait à Charlie Brown, les Peanuts et tout et tout. Dans les versions animées, je sais pas si vous vous souvenez des dessins animés de Charlie Brown, mais il y a deux affaires audio qui sont rajoutées qu'on peut pas voir dans les comics. La première, c'est que dans les comics, on voit jamais les adultes qui parlent. On entend juste les enfants qui répondent aux adultes. Et on présume des phrases des adultes d'après la réponse que les enfants leur servent. Eh bien, vous vous rappelez dans les dessins animés, les adultes ne parlent pas. Les adultes font... Ben ça, c'est pourquoi? C'est parce que dans le fond, le monde des adultes, c'est incompréhensible pour un enfant. Et voilà, vous avez compris pourquoi. Sinon, ben l'audio qui change... C'est qu'il n'y a pas bien de trame sonore de fond quand on écoute, quand on lit des bandes dessinées. Et puis, dans la version animée, c'est le Vince Guaraldi Trio. Une excellente bande de trio jazz, en fait. Un trio. C'est un trio jazz, piano, contrebasse et drum. Qui s'est chargé de faire la musique? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter Skating, une chanson qui a été faite en 1900, dans les années 60. Pour les dessins animés de Charlie Brown par le Vince Guaraldi Trio. Là, on va garder un petit peu la Great Bay Shrine. En fait, ça, c'est le temple de la Grande Baie qui est tiré de Smash Bros, inspiré du jeu de Zelda. En fait, c'est Majora's Mask, la version 64. Totalement geek, ça n'a pas de sens. Simon qui est pas là, qui est même pas là pour me dire de fermer ma gueule ou parler de hockey une fois de temps en temps. Le Canadien qui signe des joueurs dont on n'a rien à faire. Et voilà, on va aller écouter Skating de Vince Guaraldi Trio. On vous revient juste après 70%. Merci. mais si c'est pas relaxant total, ça, hein? Ouh, ça passe bien. On voit Schroeder avec Lucie qui patine sur le petit lac. Oh! Donne envie de pleurer. Non, pas à ce point-là. On va aller écouter Pierre Brassard. Eh ben, bonjour, ici Pierre Brassard. Vous écoutez 70% sur Choc FM. Eh ben oui, c'est ça que vous êtes en train de faire, sûrement que vous l'écoutez en... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des séquences d'Ultimax Force. Mais on s'est fait prendre. Tu le retrouveras un jour. Je t'emmènerai vers lui, c'est promis. Merci. Bien. Tu en auras besoin. Mais quoi, ça? On sait pas trop, hein? C'est si flou, ce film-là. Là, il s'en va. On va aller vers la fin, parce que... Ah, voilà. C'est ça, quand on arrive à la fin, ça tire un petit peu plus, hein? C'est tout le temps comme ça. C'est la tradition qui veut ça. Alors, pendant qu'ils sont en train de défaire le camp de Vietnamiens, les très méchants Vietcong, ce que je vais faire, c'est que je vais faire suivre par une chanson de Résonance, un groupe abitibien. Voici Générescence. Et on fait ça là 2 ans. On attend le prochain album pour bientôt. On va laisser un peu d'explosion là, pour que les meilleurs des meilleurs des meilleurs puissent finalement nous montrer pourquoi que c'est eux les meilleurs des meilleurs des meilleurs et pas un autre meilleur des meilleurs des meilleurs que ça. Ah, puis il y en a plus, fait qu'on passe à Générescence, on vient. Oh! Ah, voilà. Masculine devient, quand il a plus pouce, aussi un index, un majeur, un gros pénis, un petit auriculaire, en tout j'ai 5 doigts. Moi je sens le vent me chatouiller le nez, je vois les saisons, les fleurs de l'été, s'il fait pas beau moi je brave le temps, mon petit bébé c'est qu'un avis d'autre. Vroom vroom, dis mon tibétec, vroom vroom, je prends bien mon temps. Vroom vroom vroom, dis mon tibétec, vroom vroom, je vivrai longtemps. On m'éclabousse et l'on me crie des noms. Au toit de la route maniaque du guidon, j'esquisse un sourire tout en murmurant, j'aurai ta carcasse au prochain tournant. Vroom vroom, tu m'en dis, bébé, vroom vroom, je prends bien mon temps. Vroom vroom, tu m'en dis, bébé, vroom vroom, je vivrai longtemps. Je vois passer les roses et les Ferrari, les jeunes hommes de 30 ans aux cheveux déjà gris. En moins d'une heure, j'arriverai chez Susan et ferai beau voyage sous ses cotillons. Vroom vroom, tu m'en dis, bébé, vroom vroom vroom, moi je prends bien mon temps. Vroom vroom vroom, tu m'en dis, bébé, vroom vroom vroom, moi je vivrai longtemps. Quand je serai vieux, ferai mon testament. À mon pire ennemi, je laisserai mon argent. Et à ceux que j'aime pour bien finir leur vie, des petits biscuits couleur de paradis. Vroom vroom vroom, tu m'en dis, bébé, vroom vroom vroom, je prends bien mon temps. Vroom vroom vroom, tu m'en dis, bébé, vroom vroom vroom, je vivrai longtemps. Vroom vroom, tu m'en dis, bébé, vroom vroom vroom, je prends bien mon temps. Vroom vroom, tu m'en dis, bébé, vroom vroom vroom, je vivrai longtemps. Atom. Up and at them. Up and atom. Up and at them. Up and atom. Up and at them. Better. My eyes, the goggles do nothing. Vous croyez que c'était une semaine comme les autres? Et vous aviez tort! Car Choc FM, selon le dernier sondage BPM, est numéro 1! Numéro 1! Numéro 1 chez les étudiants en animation et recherche culturelle! Choc FM, numéro 1! Numéro 1! Numéro 1 chez les mâles de 28 à 37 ans en mineur de travail social! Numéro 1! Numéro 1! Numéro 1 chez les internautes au prénom composé célibataire depuis 10 ans! Choc FM, numéro 1! Numéro 1! Choc FM, ou dans tes oreilles, toujours! Ouh, il y a ici des gens qui commencent à arriver pour savourer Ultimax Force. D'ailleurs, ça me fait penser à un jeu que j'ai inventé en fin de semaine. Vous allez le reconnaître, hein, parce qu'avant, il y avait le petit panier, mais maintenant, on appelle ça le Vietnam. Donc, je l'ai fait pour vous. Vous allez voir, ça reste dans la tête juste une fois, on s'en rappelle. Quand je vais au Vietnam, j'amène pour me venger une machette. Puis là, ben, le jeu, c'est que là, le prochain, après, il faut qu'il réponde puis qu'il rajoute des affaires. Là. Comme là, le prochain, il dit « Quand je vais au Vietnam, j'amène pour me venger... » une machette. Puis là, ben, faut qu'il rajoute quelque chose, genre, trois ninjas. Puis là, ben, l'autre, il répond. Quand je vais au Vietnam, j'amène pour me venger une machette, trois ninjas, un bazooka. Puis là, ben, c'est ça. Il faut continuer comme ça jusqu'à temps que tout le monde soit mort ou ben non, que tout le monde soit tanné. Lequel des deux qui arrive le premier, on verra bien. Aïe, aïe, on est déjà à 10 minutes. Hein? C'est une petite émission tranquille. Ça devrait bien se réécouter. On a eu du Tex LeCor, les Delgado, Frank Black, Philippe Lalanne. Quand même, hein? tout azimut. On a même eu du Vincent. Non, c'est pas vrai. On a eu du Vince Garaldi, pas encore Vincent Vallière. Peut-être que je pourrais la mettre. Hein? La toune apporte mon nom, puis elle est pas mal bonne. Puis ça fait comme mandat musical de choc aussi, hein, parce que c'est de la relève francophone québécoise, puis peut-être que ça lui ferait plaisir. Oh, OK, on va mettre ça. On va mettre Tom de Vincent Vallière. On va aller l'écouter, puis on va revenir. Ça me rappelle quand je faisais du rameur au Danemark, ça. J'écoutais tout le temps. Bon, ben OK, vous écoutez ça. Tom, Choc FM, 70 pouces. Total. On vous revient après pour un petit mot de la fin. On va essayer d'en trouver un. Salut! Temps partiel entre ses trois jobs. Ses temps libres, il est pas sur un buzz. Prend son pied avec son ex qui vit à côté d'un duplex. C'est pas parfait, mais c'est moins fret qu'une branlette sur l'internet. Tom s'est fait chum avec le poêle qui vit en bas. Le soir, souvent, se retrouve là à jammer du Metallica. La pièce tout en boucan émane Enter Sandman. Et dans le bruit immense, Tom oublie tout et entre en transe. Et en attendant, Tom attend rien. Flore des tripes jusqu'au matin. Un boss, on manque de rien ici, on est peint. Tom tente le diable depuis tant d'années. Oui, il tire même des fois par la queue. Le premier du mois arrivé dans son pays, supposément libre et égal. Tom est pas dupe des beaux projets qui se votent au Congrès libéral. Quand t'es sur sa paillasse, l'ami Tom rêvasse. Avoir un Ben DV qui marche comme Slayer, Maiden ou Anthrax. Et Tom c'est après des pétasses, tout en se maganant la face. De ses visions un peu bancales, Tom tire un sommeil hibernal. Et en attendant, Tom attend rien. Flore des tripes jusqu'au matin. Une guette, un buzz, un bat, un buzz. On manque de rien ici, on est bien. Tom vit à temps partiel entre ses trois jobs. Dans la musique pesante, c'est là que Tom déroge. Et fait encore ce soir la paix avec un train. C'est son remède contre la bêtise humaine, grosse comme une américaine. Et en attendant, Tom attend rien. Flore des tripes jusqu'au matin. Une guette, un buzz, un bâton. Alors, Patrice, comment envisages-tu la prochaine saison du Canadien? Ah, c'est sûr que le Canadien de Montréal, c'est un rêve. Hein. J'ai joué 12 ans avec, avec le Canadien. Et puis, c'est sûr que cette année, je me souviens des Canadiens. Puis, les Canadiens présentent une formation de patineurs. On espère que le Canadien. C'est sûr que je pense que. C'est sûr que j'aurais toujours quand même une grosse tour du cœur pour le Canadien. C'est pour ça que je dirais le Canadien, c'est. Le Canadien s'est grandement amélioré durant la prochaine saison. Et que, on leur souhaite évidemment de revivre le rêve. C'est sûr que j'ai vécu toujours avec eux à mes grosses idées. Le Canadien présente une formation digne d'être appelé le Canadien par ses fans. C'est sûr que je pense que c'est Canadien. C'est sûr, je pense. Canadien. Merci, Patrice. Que rajouter, vraiment, que rajouter. Voilà, c'était Patrice Brisebois qui aurait bien voulu répondre pour nous à des questions insipides. D'une façon insipide, Patrice Brisebois qui avait vraiment le chic pour tourner en rond pendant des heures. Je me rappelle l'avoir... en fait, ça y a pris un bon 30 secondes de répondre « Quel est ton plus beau souvenir dans le hockey? » La réponse, c'était quand j'ai gagné la médaille d'or avec le Canada au tournoi junior de 92, je pense. Et puis voilà, ça lui a pris plusieurs minutes à répondre. C'était de toute beauté. Ben, secondes, ouais. 30 secondes à plusieurs minutes, là, pour me mettre les pieds dans les plats trop. Voilà, c'était 70% extrêmement veg de ce début de juillet. Il fait chaud dehors. Ça va être sur les hautes après. Mais pour moi, ça va être autre chose, hein. Pour moi, ça va être... Max Force. Et voilà, je vous laisse avec Yoshi Story. La semaine prochaine, on va peut-être avoir Anne-Marie Lozic ou Benoît Sylvain Charron, président des... Voyons, c'est quoi déjà? Évangélisation 2000, voilà, c'est ça. Donc, des invités d'un petit peu de toutes les sphères pour qu'on apprenne un petit peu de tout partout. Vive la variété! Puis venez donc écouter des affaires pas bonnes le lundi soir, là, ici à Choc FM, les studios 279, Sainte-Catherine-Est. Et voilà, c'est moi, Tommy Godette, qui vous dit merci d'avoir enduré une heure de tranquille mollo et de varier avec moi. À la prochaine. Salut. Je vous laisse avec Léo Cotto et Junebug, un instrumental gentil.